semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi calculer l'incalculable? Pourquoi instituer la supériorité des arrangements privés? Pourquoi l'article « The Problem of Social Cost », le problème du coût social, de l'économiste américain Ronald Coase est-il considéré véritablement comme l'article séminal de la nouvelle analyse économique du droit? Comment le juge apparaît-il dès lors comme un comptable et non plus comme un gardien de la loi? Pourquoi pour Richard Posner, le père de la doctrine « Law and Economics », la justice se confond-elle avec l'efficience économique? Comment la théorie de l'agence a-t-elle servi de base à l'essor doctrinal des stock options pour les cadres dirigeants d'entreprise et à l'individualisation des salaires? Peut-on soumettre la dignité à un calcul de coût-avantage? Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes, développe et poursuit, dans le cadre de sa série qui analyse le passage du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres, la critique de la doctrine « Law and Economics », dont l'influence sur la fabrique du droit demeure importante. Nous voici face à un ordre normatif entièrement régi par le calcul. Au travers de l'analyse juridique, il en interroge les principales théories, celle des jeux, la théorie de l'agence, le théorème de Ronald Coase, la théorie des property rights, et nous découvrirons lundi le dernier pilier de cette doctrine, la New Comparative Analysis. Nous allons entrer ce matin dans un univers juridique sans impératif catégorique où le juge, nous dit Alain Supiot, devient comptable dans le théorème de Coase. Procédant à un bilan coût-avantage, il ajuste ses calculs plutôt qu'il ne juge par application de la loi. C'est dès lors la généralisation des clauses compromissoires, cet arbitrage en matière commerciale, nous précise le juriste. Et pour ce qui relève des valeurs, de l'incalculable, Alain Supiot revient sur la question de la dignité. Il indique, après avoir rappelé l'approche de Kant, que la dignité étant supérieure à tout prix, échappe par définition au calcul économique. À ce premier inconvénient, la dignité en ajoute un second. En tant qu'impératif catégorique, elle constitue un devoir et pas seulement un droit individuel. Le juriste se penche notamment sur la façon dont la Cour de justice européenne a pu réduire la dignité à une valeur quantifiable, mise en balance avec d'autres intérêts, dans son arrêt Viking, et comment, pour sa part, la Cour constitutionnelle allemande a pu résister à cette relativisation. Sur le marché total, nous dit Alain Supiot, ce qui n'a pas de prix n'a pas d'existence. Et pour comprendre pourquoi, nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Alain Supiot le 4 avril 2013, « Calculer l'incalculable ». Je vais commencer par quelque chose qui est connu de tous, certainement, la théorie des jeux. L'idée de remplacer le jugement par le calcul a une longue histoire, depuis le pari de Pascal et l'essor du calcul des probabilités. Cette idée avait connu une fortune singulière au tournant des 18e-19e siècles, avant de décliner au 19e, sous le coup des critiques ravageuses, notamment d'Auguste Comte et des positivistes que nous avons également rencontrés sur notre chemin. Toutefois, Condorcet ou Laplace, pour ne citer qu'eux, n'appliquaient le calcul des probabilités qu'à des situations s'apparentant à un jeu de hasard, où toute considération éthique pouvait être oubliée au profit d'une évaluation par chaque joueur de ses chances de gain et de ses risques de perdre. Autrement dit, ces auteurs ne considéraient pas la société et l'économie tout entière comme une vaste salle de jeu ou un casino. Ce cantonnement de la légitimité du calcul a sauté lorsque la science économique a cru trouver dans la théorie des jeux un paradigme applicable à toute espèce de situation d'incertitude. Cette théorie, tous les étudiants de première année d'économie la connaissent, ainsi que la situation paradigmatique qui l'illustre, connue sous le nom de dilemme du prisonnier. Inventé par Tucker en 1950, ce dilemme met en scène deux prévenus d'un même fait délictueux. Ils sont invités séparément par la police à dénoncer l'autre, moyennant la promesse d'un acquittement du dénonciateur. Donc, si vous dénoncez, la peine, ce sera zéro. Ou bien d'une lourde peine, 20 ans, pour le dénoncer. Si les deux refusent de collaborer, donc les deux restent bouche cousue, chacun ne pourrait être condamné qu'à une peine légère, 1 an. Si les deux se dénoncent mutuellement, ils seront chacun condamnés à une peine moyenne, 5 ans. Donc, cette situation s'apparente à un jeu en ce que chacun des prisonniers doit résoudre un problème d'optimisation de sa position dont la solution dépendra de celle de son adversaire, que son adversaire adoptera de son côté. Donc, il faut non seulement calculer sa position, mais essayer de l'ajuster à ce que l'on pense qui va être la position de l'autre. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Il est d'ailleurs assez facile, si vous y réfléchissez, de voir que le calcul conduira chacun, un calcul conduit individuellement, chacun à dénoncer l'autre. Parce que si vous taisez et que l'autre parle, vous risquez 20 ans. Alors que dans les autres cas de figure, vous risquez 1 ou 5. Alors que la situation optimale aurait été pour les deux de refuser de collaborer. Quelle conclusion on en tire du point de vue de l'analyse économique du droit ? Eh bien, serait ainsi démontrée en termes d'utilité collective la supériorité des stratégies coopératives fondées sur un contrat. Bon, si c'est deux mafieux, avant, ils avaient juré sur le sang qu'ils ne parleraient pas. La tactique mafieuse est bonne sur le contrat. Et c'est mieux que des stratégies non coopératives d'agents qui opèrent sous l'égide d'une loi commune. Donc c'est ça la conséquence qu'on tire de la théorie des jeux. Notez au passage l'élimination de ce raisonnement, de toute considération de type kantien qui attacherait à la justice, au devoir ou à l'honneur une valeur incommensurable. La théorie des jeux ne concède aucune place à Jean Moulin, ni à tous ceux qui, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, placent certaines valeurs au-dessus de leur propre vie. Le propre de l'économie marginaliste ou utilitariste dont procède cette théorie est de compter ces valeurs pour zéro, comme le faisaient jadis les légistes chinois, ou plus près de nous, Bernard de Mandeville. Notez également la réduction de l'idée de jeu à un calcul d'enjeu. Nous avons y faire une représentation incroyablement pauvre au regard de l'épaisseur anthropologique du jouet, sur lequel je vous signale un livre particulièrement savant que vient de publier Robert Amaillon, qui est une anthropologue spécialiste du chamanisme, où elle parle de la place du jeu dans des populations sibériennes. Ça a une épaisseur autre que ce type de petit jeu. Du point de vue juridique, l'extension de la théorie des jeux à toute situation d'incertitude décide un univers entièrement contractuel où les individus sont mus, un petit peu comme dans la doctrine chinoise de légiste, par les deux manipules que sont la peur et la cupidité, et où la figure du tiers s'identifie à celle d'un juge qui est lui-même appelé à calculer les solutions des litiges les plus efficientes en termes d'optimisation des utilités. Alors, face au constat des effets négatifs des jeux non coopératifs en termes de sommation des utilités individuelles, il conviendrait donc de généraliser le recours au contrat. C'est la conclusion qu'on tire de la théorie des jeux. Seul à même de permettre l'optimisation de ces utilités. Si les deux prisonniers s'étaient liés par un contrat de non-dénonciation réciproque, la solution eût été optimale pour chacun d'eux. On trouve donc dans la théorie des jeux la justification d'une contractualisation de la société. Plutôt que de recourir à la loi qui engage 5 individus dans un calcul non coopératif, mieux vaudrait généraliser le contrat qui permet aux individus d'optimiser au cas par cas leurs utilités respectives et donc d'optimiser l'utilité sociale. Et un prolongement de cette théorie des jeux, c'est un prolongement qui intéresse directement le droit du travail et plus généralement le droit de l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle en français la théorie de l'agence. Cette théorie, qui est directement dérivée donc, de la théorie des jeux, a pour objet des situations dans lesquelles l'optimum censé résulter spontanément d'un lien contractuel est compromis par une dissymétrie d'information entre les contractants. Alors cette idée de dissymétrie d'information a donné lieu à une littérature économique extrêmement abondante. C'est le cas notamment à chaque fois que le contrat crée ce qu'on appelle une relation d'agence, c'est-à-dire du contrat, je vous cite ici la définition du journal d'économique financière, d'un contrat par lequel une personne, qu'on va appeler le principal, engage une autre personne, qu'on va appeler l'agent, pour exécuter en son nom une tâche quelconque qui implique une délégation d'un certain pouvoir de décision à l'agent. Donc, ça peut recouvrir ce qu'on appelle en droit un contrat de mandat, mais ça peut être, alors, et ça peut être le mandat que des actionnaires donnent aux dirigeants d'une société pour la conduire, ça peut être aussi un mandat civil, et ça peut être aussi un contrat de travail, puisque normalement, dans un contrat de travail, l'employeur va confier une tâche, ce sera lui le principal, le salarié sera considéré comme l'agent dans cette terminologie économique. Donc, la relation d'agence est une notion compréhensive qui s'applique à toutes sortes de contrats. Et chaque partie dans la relation d'agence est censée, dans la perspective de l'économie standard, n'être animée que par la poursuite de son propre intérêt. Comme vous pouvez le voir, chaque monade contractuelle ne poursuit que son intérêt propre. Or, le propre d'une telle relation est que l'agent dispose dans la réalisation de sa tâche d'une marge de liberté dont il peut se servir à son avantage exclusif et au détriment des intérêts du principal. Et la théorie de l'agence entend montrer que de tels problèmes peuvent être résolus eux aussi par la contractualisation, en intéressant financièrement l'agent aux résultats les plus profitables au principal. Donc il faut créer des types de rapports contractuels qui soudent l'intérêt de l'agent avec celui du principal. Et la théorie de l'agence a notamment servi de base doctrinale à l'essor des stock options des 4 dirigeants d'entreprise et à l'individualisation des salaires, je vais y revenir. Alors, comme il arrive bien souvent avec l'analyse économique du droit, on pourrait être tenté de n'y voir qu'une formalisation un peu naïve de choses connues depuis très longtemps. La théorie de l'agence met en effet en lumière des solutions inventées bien avant elle par la pratique. Mais on méconnaîtrait alors son apport propre qui consiste à abstraire ces solutions, à les détacher de leur contexte pour leur conférer une force normative générale. Pour le dire autrement, l'apport théorique de la théorie de l'agence est aussi faible que son impact normatif est considérable. Pour vous en donner une idée, j'évoquerai par exemple une doctrine, celle de la corporate governance, dont vous avez peut-être entendu parler, et c'est la théorie de l'agence qui lui a servi de base. La corporate governance, ça a été une nouvelle manière de penser la façon de diriger les entreprises, et notamment les grandes entreprises, fondée sur le soupçon que j'évoquais tout à l'heure, selon lequel les actionnaires perdaient le contrôle sur ce que Galbraith appelait la technostructure, c'est-à-dire les dirigeants professionnels qui conduisaient les entreprises. Et la corporate governance, c'est un ensemble de règles, d'abord conçues et développées aux États-Unis, puis importé à peu près partout en Europe, qui visait à rendre le pouvoir aux actionnaires, à leur rendre la main sur les décisions prises par les dirigeants des entreprises. Et cette conception, c'est la généralisation en droit commercial d'une certaine vision de l'entreprise qui réduit cette dernière à un objet de propriété des actionnaires. Or, cette conception n'est pas la seule qu'on puisse avoir d'une entreprise. Il y en a d'autres. Une entreprise, c'est un objet juridique extrêmement complexe à partir du moment où elle mobilise les capitaux de plusieurs personnes. C'est d'abord un contrat entre des associés, mais c'est un contrat qui va faire naître un sujet de droit, une personne morale, qui va donc être un sujet destiné à agir librement sur les marchés. Et si cette action est efficace, elle va créer un enrichissement et l'entreprise pourra aussi être vue comme un bien. Vous voyez que l'entreprise est sur tous les registres habituels du droit et apparaît à la fois comme contrat, comme sujet, comme bien. Et selon les cultures, certaines ont mis plutôt l'accent sur la nature de sujet libre, et je dirais que c'est plutôt ce qu'on appelle la culture rhénane en Europe, qui vise à créer les conditions d'une liberté économique pour les dirigeants qui opèrent sous le double contrôle. C'est la théorie de la Mitbestimmung en droit commercial allemand, de la codétermination, disant il faut laisser une marge de manœuvre aux dirigeants, mais on va avoir à égalité les représentants du capital et les représentants du travail pour les surveiller. Cette conception rhénane de l'entreprise a été battue en brèche à partir des années 80 par le développement de la théorie de la corporate governance qui visait au contraire à asseoir le pouvoir exclusif des actionnaires au motif que l'entreprise serait d'abord l'objet de leur propriété et que l'on doit donc préserver la possibilité pour les actionnaires de faire le maximum de profit à partir de cet objet qui est le leur. Alors, réduire de la même façon le contrat de travail à une relation d'agence a des effets encore plus considérables puisque cette réduction opère un complet renversement de la fonction du droit du travail. Cette fonction ne sera plus de protéger, c'est comme ça qu'on a appris le droit du travail et qu'on l'a enseigné, on disait le droit du travail, ça a été contesté, hein, il y a beaucoup de théories, mais ça sert à protéger les salariés du pouvoir de l'employeur, c'est une relation dissymétrique, mais l'un est subordonné à l'autre, donc le problème pour le droit, c'est de trouver des compensations à cette subordination et des protections. Vous voyez qu'avec la théorie de l'agence, le problème est posé en termes rigoureusement inverses. Le problème, c'est de protéger l'employeur contre le pouvoir dont disposent les salariés d'échapper à son contrôle et de développer leur propre agenda. Alors, c'est sur cette base qu'ont été déployés depuis 30 ans un ensemble de dispositifs conventionnels visant à casser l'autonomie individuelle et collective des salariés. Et cela a concerné à la fois le haut et le bas de l'échelle salariale, mais sous des formes évidemment différentes. Pour détourner les dirigeants salariés de la poursuite d'un intérêt à long terme, les dirigeants, eh bien pour les en détourner, on a indexé leur mode de rémunération sur les profits des actionnaires par des dispositifs tels que les stock options, et en espérant ainsi qu'ils agiraient sur l'agenda souhaité par les actionnaires, c'est-à-dire celui d'un rendement maximal et relativement à court terme. D'autres actionnaires peuvent avoir d'autres buts, mais si telle est la volonté des actionnaires, plutôt que de poursuivre un intérêt de l'entreprise considéré par beaucoup comme quelque chose de chimérique et d'inexistant, et en tout cas d'indiscernable de l'intérêt des actionnaires proprement dit. Concernant le bas de l'échelle, enfin, ou le moyen de l'échelle salariale, pour s'assurer de la docilité des autres salariés, on a au contraire réduit les sécurités légales et conventionnelles dont ils jouissaient dans le modèle dit fordiste de l'entreprise. Les contrats atypiques et précaires, l'externalisation de l'emploi, l'individualisation des rémunérations, les accords emploi-compétitivité, sont autant d'exemples de ce renversement fonctionnel qui aboutit à déplacer le risque économique de l'employeur vers le salarié. Vous voyez sur cet exemple comment des théories économiques et des théories économiques du droit ont eu une incidence extrêmement profonde sur la manière de penser le droit du travail lui-même. Alors, j'en ai assez dit sur le dilemme du prisonnier. J'en viens à un deuxième pilier de l'analyse économique du droit, qui est le théorème de cause et son corollaire, la théorie dite des property rights. Cause, c'est le nom Ronald Cause d'un grand économiste qui s'est fait connaître d'abord comme l'auteur d'un important ouvrage de théorie économique de l'entreprise qui avait été publié avant-guerre, 1937, sous le titre « La nature de l'entreprise ». Et dans ce livre, Cause avait montré de façon convaincante que le choix de réaliser une opération économique dans le cadre intégré d'une entreprise, plutôt qu'en faisant appel au marché, dépendait notamment de l'importance des coûts de transaction inhérents à ce recours au marché. C'est à cause qu'on doit cette notion de coût de transaction. Si vous avez une opération économique déterminée, vous avez besoin, par exemple, de prestations informatiques complexes, vous avez le choix entre embaucher des informaticiens qui vont être les salariés permanents de l'entreprise ou bien faire appel à une société extérieure, c'est-à-dire aller sur le marché. Et ce que Cause a étudié, c'est l'incidence des coûts de transaction, car si vous intégrez la fonction, eh bien vous réduisez les coûts de transaction. Mais d'un autre côté, vous perdez de la flexibilité puisque si vous devez vous défaire des salariés en question, vous serez tenu par, dans mon exemple, les règles du droit du licenciement. Et c'est dans le prolongement de cette démarche que Cause a publié en 1960 un article intitulé « The Problem of Social Cost » qui est souvent considéré comme l'article séminal de la nouvelle analyse économique du droit. Cet article est vraiment séminal dans le sens, on le dit souvent dans un certain nombre d'articles, mais là c'est vrai, c'est une sorte de texte sacré, originaire, auquel tout le monde se réfère en matière d'analyse économique. On m'a même dit, mais ça j'ai pas pu le vérifier, qu'il a fait l'objet d'une traduction française, mais là encore sous un titre de fantaisie qui n'a rien à voir avec le titre original anglais. Alors, on va s'arrêter un tout petit instant sur cet article en raison de l'importance du rôle qu'il a joué dans le développement ultérieur de l'analyse économique du droit. Il porte sur des dispositifs juridiques à mettre en œuvre face à ce qu'on appelle les externalités négatives de l'entreprise. Externalités négatives, sous ce barbarisme, enfin qui est une notion usuelle en économie, il y a par exemple les pollution. Lorsqu'une entreprise s'installe, elle va polluer son environnement, c'est une externalité négative. Elle va éventuellement embaucher, distribuer du salaire, créer des richesses, c'est des externalités positives. Donc toute opération économique, et j'allais dire tout être humain, si on faisait des comparaisons organiques, produit à la fois des richesses et des pollutions. Et la question est de savoir comment on peut faire face à ces externalités négatives, c'est-à-dire les nuisances causées par l'entreprise à son environnement. Alors, Cause, dans cet article, prétend démontrer que lorsque les coûts de transaction sont nuls, je viens d'expliquer ce que c'était que les coûts de transaction, c'est-à-dire à supposer que le recours au marché ne coûte rien, qu'il n'y ait pas à embaucher des gens qui vont devoir négocier des contrats. Donc on est dans une hypothèse d'école, coûts de transaction nuls. Qu'à supposer que les coûts de transaction soient nuls, il est toujours plus efficient de recourir à des arrangements privés plutôt qu'à la loi ou au règlement pour traiter ces problèmes de nuisance et d'externalité. Et pour démontrer cela, pour démontrer donc la supériorité des arrangements privés sur les injonctions légales ou réglementaires, Cause pose ce problème en termes de droits concurrents plutôt qu'en termes de responsabilité délictuelle. En effet, l'habitude en droit civil, si une entreprise pollue, ça veut dire elle pollue, donc elle cause un dommage, donc elle est responsable et on va devoir la poursuivre en responsabilité civile. Cause raisonne différemment et on va le lire attentivement. Selon lui, je cite, « L'incapacité à développer une théorie adéquate pour traiter du problème des nuisances découle d'une conception défectueuse de ce qu'est un facteur de production. Ce dernier est généralement conçu comme une entité physique qu'un homme d'affaires achète et utilise, par exemple un hectare de terre, une tonne d'engrais, et non pas comme un droit de réaliser certaines activités physiques. Donc il part d'une critique en disant on considère que la production est d'abord le fait de l'utilisation d'objets physiques, il faut voir ça autrement. Comment faut-il le voir ? Si les facteurs de production sont conçus comme des droits, donc il ne s'agit plus de les voir comme des objets physiques, mais comme des droits, il devient plus aisé de comprendre que le droit de faire quelque chose qui provoque des nuisances, telle la création de fumée, de bruit, d'odeur, etc., est aussi un facteur de production. De même que nous avons le droit d'user d'une parcelle de terre en sorte d'empêcher quelqu'un d'autre de la traverser, d'y garer sa voiture ou d'y construire sa maison, de même, nous avons le droit d'en user en le privant d'une vue, du calme ou d'un air pur. Bon. Donc le coût de l'exercice du droit d'user du facteur de production est toujours la perte causée ailleurs par l'exercice de ce droit. Donc si j'émets des fumées ou si je fais du bruit parce que j'ai ouvert un nightclub, je vais y trouver un avantage, mais quelqu'un d'autre va avoir une perte. Donc ça sera par exemple l'empêchement de traverser la parcelle, de garer la voiture, de construire une maison, de jouir d'une vue, d'avoir la paix, la tranquillité ou de respirer un air pur. Et là tombe la conclusion de cause. Ceci est clairement désirable si les seules activités accomplies sont celles dont les gains sont supérieurs aux pertes. Donc vous avez ici une idée qui est absolument fondamentale dans l'analyse économique du droit. Premièrement, passer d'un monde de choses à un monde de droits attribués aux personnes. Et ensuite, pour régler les problèmes de conflit entre ces droits, user d'une technique de bilan coût-avantage. Alors, prenons un exemple. Ce n'est pas moi qui le prends, c'est cause. Si, par exemple, une entreprise pollue une rivière, c'est l'exemple qu'il prend dans cet article, la question juridique à se poser ne serait donc pas celle de la réglementation de son activité, mais celle de la concurrence de son droit à produire et du droit des tiers à pêcher des poissons. Dès lors, la meilleure manière de régler le problème est de recourir à un arrangement privé entre le pollueur et les pêcheurs. À supposer que le gain de l'activité industrielle polluante soit de 1 000 pour l'entreprise et que la perte subie par les pêcheurs soit de 200, cet arrangement prendra la forme de la vente par ces derniers, par les pêcheurs, d'un droit de polluer moyennant un prix compris entre ces deux montants. Si les parties concernées ne s'accordent pas, c'est le juge qui est le mieux à même de réaliser ce calcul coût-avantage et d'opérer sur cette base une redistribution des droits de chacun. Autrement dit, l'ajustement des calculs d'utilité privée doit ainsi aboutir à une maximisation de l'utilité publique, indépendamment de la répartition, nous dit cause, des droits entre les intéressés, cette dernière s'avérant indifférente. Alors, c'est aussi un point très important à noter dans l'argumentation que cause, c'est que peu importe la répartition initiale des droits, l'efficience se mesure par l'application d'un calcul coût-avantage entre des ensembles de droits sur lesquels je vais revenir parce que ça, c'est l'objet de la théorie des property rights. Il est nécessaire, poursuit cause, de savoir si l'entreprise qui cause des dommages en est responsable, puisqu'à défaut d'une telle délimitation initiale des droits, il ne peut y avoir de transactions marchandes, les transférant ou les recombinant, mais le résultat final, qui maximise la valeur de la production, est indépendant de la situation juridique si l'on suppose que le système de prix fonctionne sans coût. Ça, c'est l'absence de coût de transaction que j'ai évoqué comme condition initiale de son raisonnement. Le Collège de France et France Culture vous présentent le juriste Alain Supiot, Calculer l'incalculable. Alors, cette idée, je dis, elle est fondamentale. Elle a été ensuite développée par Richard Posner. Richard Posner, c'est celui que tout le monde considère comme le père de la doctrine Law and Economics. Il était professeur à la School of Law, peut-être il y est toujours d'ailleurs, de Chicago, et il occupe aussi une position élevée dans le système judiciaire américain, puisqu'il est juge à la Cour d'appel du 7e circuit. Selon Posner va un peu plus loin que Coase dans ce qu'il considère être la mission des juges. La mission des juges n'est pas de se prononcer sur la juste répartition des biens, mais d'allouer les droits à leur usage le plus productif. Autrement dit, le critère de l'activité du juge, ce n'est pas la recherche impossible, illusoire d'un juste, mais de l'allocation la plus efficace pour la société dans son ensemble des différents droits en litige. Donc la justice se confond pour lui avec l'efficience économique. Dans cette perspective, ainsi que l'écrit Thierry Kirat, qui est l'auteur, c'est un professeur à Dauphine, je crois, qui est l'auteur de, sur l'analyse économique du droit d'un petit livre extrêmement bien fait, le traitement juridictionnel opère comme une machine à allouer des coûts et des gains monétaires et à produire des calculs coûts-avantages. C'est une nouvelle conception du juge et de la justice qui émerge avec la théorie Law and Economics. Alors, vous retrouverez sans surprise cette conception du travail judiciaire chez les importateurs français de la doctrine, comme par exemple dans cette présentation du laboratoire d'économie du droit de l'Université de Paris II, ce sont nos voisins, où l'idée de juste est maniée avec des pincettes en forme de guillemets, tandis que le juge est appréhendé comme un producteur de règles et la loi comme un produit. Je lis, les producteurs de règles doivent être informés des conséquences économiques de leurs décisions. On estime souvent que le rôle des tribunaux consiste seulement à identifier des solutions « justes » entre guillemets dans des cas qui n'auraient aucun impact sur des individus autres que les parties impliquées dans le litige. En réalité, les jugements produisent des effets pour une catégorie entière de cas semblables. Alors, soyez indulgents pour la terrible trivialité de cette dernière phrase qui semble découvrir l'existence de ce qu'on appelle la jurisprudence, et retenez plutôt la réduction de cette nécessaire prudence du juge aux études d'impact fondées sur la technique économique qui sont mentionnées dans le début du texte. Cette approche généralise en... vous voyez, je fais une publicité gratuite pour que vous inscriviez au laboratoire de nos amis de Assas. Cette approche généralise en réalité un mode de raisonnement emprunté depuis longtemps par la jurisprudence américaine en matière de responsabilité civile. Il avait été notamment formalisé en 1947 par le juge Learned Hand dans l'affaire United States contre Carroll. Et le juge Hand avait à décider, ça se passait pendant la guerre, je crois, si le propriétaire, oui, en 47 ou juste, si le propriétaire d'une barge qui avait été laissée sans surveillance dans le port de New York était responsable des dommages causés par cette barge qui s'était détachée et avait heurté un autre navire après que ses amarres donc eussent lâché. Alors, il fonda sa décision sur un calcul impliquant trois paramètres. Le premier, c'est la probabilité P de survenance du dommage, donc on va calculer la probabilité de survenance du dommage. La deuxième, c'est le montant L pour loss en anglais, le montant prévisible de ce dommage. Et la troisième, c'est le coût B pour burden de prévention du dommage. Si ce coût B de prévention était inférieur au montant du dommage probable P multiplié par L, alors celui qui aurait pu prévenir sa réalisation avait fait preuve de négligence. Alors, il y avait N. N, c'est l'engagement de ce qu'on appellerait, je mets des pincettes parce qu'on est en droit américain, la responsabilité délictuelle du propriétaire de la barge. Et il devait donc être condamné à indemniser la victime du dommage survenu. D'où cette formule, si B est inférieur à PL, alors N, connu sous le nom de Hand formula. Comme dans le théorème de Coase, il s'agissait déjà de maximiser la richesse globale. Et dans cette affaire, le juge Hand a considéré qu'il aurait été moins coûteux d'embaucher un gardien qui aurait veillé sur les amarres et que, par conséquent, la responsabilité du propriétaire de la barge était engagée. Alors, le théorème de cause implique, on le voit, une extension des droits individuels. Il nous a dit qu'il ne faut pas considérer que nous sommes dans un univers de facteurs de production qui seraient des choses, mais les voir comme autant de droits, et un retrait corrélatif de l'interdit légal, puisqu'il nous dit aussi les arrangements privés, c'est toujours mieux que des prescriptions légales. Donc il dessine un univers juridique sans impératif catégorique, pour employer un concept kantien, qui est peuplé de particules contractantes, armées de droits leur permettant de maximiser leurs utilités respectives. Et notez que le juge lui-même n'apparaît dans cet univers que comme le gardien, il n'apparaît plus comme un gardien des lois, mais comme un comptable appelé à maximiser au cas par cas la somme de ses utilités individuelles, somme qui est identifiée sans reste à l'utilité sociale. Alors, ainsi conçu, le juge n'est plus une figure hétéronome, il n'est plus l'expression d'un pouvoir situé en surplomb des intérêts particuliers des parties au litige, donc il serait de niveau N plus 1, et là vous avez peut-être en écho Deleuze, qui dit qu'il n'y a plus de niveau N plus 1 dans le rhizome, mais il est le maximisateur social des calculs d'utilité auxquels ont procédé les parties. Nous sommes dans un monde horizontal. Procédant à un bilan coût-avantage, on peut dire qu'il ajuste ses calculs plutôt qu'il ne juge par application de la loi. D'où la vogue actuelle des modes alternatifs de résolution des litiges et la généralisation de ce qu'on appelle les clauses compromissoires en matière commerciale. La clause compromissoire, c'est la clause par laquelle des parties s'engagent à faire appel à un arbitre qu'on va rémunérer ensemble plutôt qu'à un juge. Songez à l'affaire Tapie, qui est, je crois, l'arbitrage le plus célèbre dans notre pays actuellement. Dans un univers juridique où le droit se dissout en une poussière, le droit avec un majuscule, de droits individuels, donc de petits droits, les litiges relèvent d'un arbitre plutôt que d'un juge, et cet arbitre sera lui-même animé par la recherche de la maximisation de ses gains sur le marché de l'arbitrage. Donc nous avons un système qui tend à fonctionner, je vous dis, sur un plan horizontal où chacun, poursuivant son propre intérêt, et l'intérêt de certains étant d'être reconnu comme de bons arbitres, de bons calculateurs de l'optimisation des intérêts des uns et des autres. Alors, cet émiettement du droit, avec un grand D, en droit individuel, a été théorisé dans la doctrine Law and Economics sous le nom de théorie des property rights. Alors, cette théorie prolonge les idées de cause en considérant que l'empire du marché ne se limite pas aux biens et services qui s'y échangent, mais qu'il s'étend aux droits relatifs à l'usage de ces biens. Nous avons vu là aussi que c'était une des idées avancées par cause. C'est pour ça que son article est si important. Dès lors, le marché permet de conditionner les comportements des individus par le jeu des pertes et des gains qui résultent de l'usage qu'ils font de ces droits. Alors, le concept de property rights ne se limite donc pas dans cette théorie à ce que nous appelons, nous, droit de propriété au sens juridique du droit civil, et qu'en anglais on dirait ownership plutôt que property. Mais il désigne plutôt l'ensemble des prérogatives. Alors, les théoriciens, les défenseurs de cette théorie parlent de bundle of rights, un bouquet de droits, qui est attaché à la détention des biens. Je prends un exemple, il irait du droit du travail. Le droit de disposer du savoir-faire et de l'expérience du personnel d'une entreprise dont on prend le contrôle n'est pas un droit de propriété au sens strict du mot, mais il participe de ce paquet de droits qui est attaché aux choses et transférable avec elles. Transférable par, d'ailleurs, un mécanisme prévu par le droit du travail qui est le transfert automatique des contrats de travail. Donc le droit que vous avez sur l'intelligence et l'activité des salariés attachés à l'entreprise que vous achetez, ce n'est pas un droit de propriété au sens juridique, mais il fait partie de la théorie des property rights. Mais c'est ainsi, en réalité, la frontière entre droit et produit qui tend à s'effacer. Puisque d'un côté, nous l'avons vu, la règle de droit est envisagée comme un produit, et le juge comme un producteur de règles, et de l'autre, tout produit est systématiquement pensé comme le support d'un paquet de droits. Dès lors, non seulement tout est pensé en termes de droits individuels, mais ces droits obéissent tous au modèle du droit de propriété, c'est-à-dire qu'ils sont exclusifs et transférables. Alors, on pourrait dire, je fais des rapprochements qui vous paraissent peut-être provoquants, mais enfin qui me paraissent logiques, parce que là, on est un peu comme face au sujet foucauldien. Le sujet de droit de la doctrine Law and Economics est une monade régie par le seul souci de soi, qui ne connaît d'autres lois que celles auxquelles elle consent dans ses rapports contractuels avec les autres monades. C'est un univers un peu comme ça. Une telle représentation participe pleinement de l'imaginaire cybernétique qui associe dans une même représentation le rhizome. On m'a reproché de ne pas vous avoir montré de rhizome. Voilà un rhizome de bambou. Les réseaux neuronaux ou les réseaux informatiques. Donc, l'ordre juridique lui-même va être conçu également comme un ordre réticulaire, sans verticalité et sans frontières définies. Rappelez-vous là aussi le rhizome deleuzien. Un tel ordre tire sa force et sa consistance de la recherche par chacun de ses membres de sa propre extension. Les liens de droit y sont autant de fibres contractuelles, reliant entre eux des sujets de droit qui sont idéalement des êtres indifférenciés, sans sexe, sans âge, sans lignage et sans intériorité. Tous programmés pour maximiser leur intérêt individuel. Voilà à peu près l'anthropologie juridique de la théorie Law and Economics. Dans un tel ordre, il n'y a donc plus de place pour des valeurs inquantifiables, puisque tout doit être calculé. Plus de place en particulier pour la dignité humaine au sens où l'a défini Kant, c'est-à-dire au sens d'une valeur incommensurable. Alors, cette définition est extrêmement célèbre, mais je vous la remets en tête. Dans la règle des fins, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre, c'est commensurable, à titre d'équivalent. On vous a cassé votre mobilette, on va pouvoir vous donner une somme d'argent ou un gros gâteau. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité, dit Kant. Et il poursuit, ce qui rapporte aux inclinations, aux besoins généraux de l'homme, cela a un prix marchand. Ce qui, même sans supposer de besoin, correspond à un certain goût, c'est-à-dire à la satisfaction que nous procure un simple jeu, sans but, de nos facultés mentales, cela a un prix de sentiment. Mais ce qui constitue la condition qui seule peut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n'a pas seulement une valeur relative, c'est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une dignité. Donc, dans cette définition extrêmement célèbre du principe de dignité, qui est la définition donnée par les philosophes, mais, je vous l'ai expliqué, le principe de dignité a fait retour dans l'ordre juridique, on va y revenir après la Seconde Guerre mondiale, la dignité se définit précisément par le fait qu'elle est inappréciable. Alors, c'est un grand inconvénient pour la théorie économique. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et à ce premier inconvénient, la dignité en ajoute un second, puisqu'en tant qu'impératif catégorique, elle constitue un devoir et pas seulement un droit individuel. Être digne, la dignité, dans la définition plus ancienne de Pic de la Mirandole, il dit, c'est une charge. Nous ne sommes pas des animaux. Donc nous ne devons pas nous laisser traiter comme des animaux et nous ne devons pas nous conduire comme des animaux. C'est quelque chose de très simple à comprendre. Les êtres humains ne sont ni des animaux ni des machines. Cela contredit une vision qui serait purement zoologique de l'être humain, car il est incontestable que l'être humain est aussi un animal. Mais la dignité, c'est-à-dire, il est plus que Et donc, il ne doit ni être traité, ni se laisser traiter. Donc, la dignité n'est pas un droit, c'est la source de droits et de devoirs. Et le mot « devoir » n'a pas beaucoup de place, vous avez vu, dans le théorème de cause, puisqu'il n'y a que des droits en compétition. Et donc, la notion de dignité loge l'hétéronomie au cœur de la subjectivité et la traduction juridique du fait, je cite ici Castoriadis, que l'institution de l'individu social est imposition à la psyché d'une organisation qui lui est essentiellement hétérogène. La dignité opère dans l'ordre juridique, réalise ce que décrit ici Castoriadis. Alors, toutes ces considérations sont totalement insupportables au regard de la parfaite souveraineté de soi sur soi, c'est le concept de Michel Foucault, du sujet foucauldien. Alors, on a une double difficulté, donc voilà, arrivée de l'hétéronomie, du devoir, de quelque chose qui est inquantifiable, que faire? Il y a deux solutions. Soit abolir le principe de dignité, soit deux solutions logiques hein, pour les gens qui sont juste face à une feuille de papier, puisque c'est le cas des chercheurs en général, c'est ce qui les rend si dangereux. Soit le convertir en quelque chose de quantifiable, afin de pouvoir le soumettre à un bilan coût-avantage. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on le fait disparaître, soit on essaie quand même de lui attacher un certain prix pour qu'il puisse rentrer dans le jeu des calculs. Alors on ne sera pas surpris que la première voie soit empruntée par les postmodernes, qui sont plutôt des artisans du verbe, et la seconde par les tenants de la doctrine law and economics, qui sont plutôt des artisans du chiffre. Alors la première voie est celle suivie par les juristes d'inspiration postmoderne, qui n'ont pas de mots assez durs pour dénoncer le principe de dignité comme antimoderne, ça c'est M. Kella qui le dit comme ça, car hostile au subjectivisme de la modernité des droits de l'homme. C'est dans un ouvrage de M. Kella et Thomas qui s'appelle « Du droit de ne pas naître ». Et selon un autre auteur, qui est Jean-Pierre Beau, je cite, « La dignité humaine relève aujourd'hui de la plus dangereuse des bigoteries et de l'anathème liberticide le plus efficace. Par conséquent, lui accorder une valeur axiomatique, ce serait, je cite d'autres auteurs, quitter l'arène scientifique. Car on ne pourrait discuter en droit ni des axiomes du droit, ni de sa fonction anthropologique, ni des choix de valeurs qui sous-tendent législation et jurisprudence. » Alors, en tant que juriste, ces argumentaires sont un peu étranges, parce que, fruit de l'expérience des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, la dignité se présente pourtant bien dans nos textes fondamentaux comme un principe premier et inviolable. C'est difficile pour un juriste de vouloir l'expulser à partir du moment où elle est, j'allais dire, en tête de gondole, si vous me permettez cette expression influencée par Law and Economics, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article premier de la Constitution allemande, et on peut penser que les Allemands y ont réfléchi après la guerre, et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et elle apparaît à chaque fois, l'expression de la Constitution allemande mérite d'être soulignée, sous les espèces d'une valeur intangible, c'est-à-dire qui ne peut être mesurée, mise en balance, mise en valeur avec rien d'autre. Alors, il est plutôt rassurant que les juges n'aient guère à mobiliser le principe de dignité, car c'est le signe que ce principe est mis en œuvre par les lois positives. Donc, moins on en parle, mieux on se porte, c'est-à-dire c'est comme le nom d'Allah dans certains aspects de la philosophie islamique. Faut mieux le taire. Parce que ça veut dire que ça marche. Donc la dignité, moins on en parle, mieux ça vaut. Pourquoi ? Parce que si le législateur la respecte, il existe des textes positifs qui permettent de la respecter. Et quand on est obligé d'en parler, ça veut dire qu'il n'y a plus ces textes, qu'on a tellement vidé le dispositif juridique, qu'on est obligé d'invoquer les grands principes qui sont des principes, en réalité, méta-juridiques. Alors, on comprend bien que les juges fassent rarement appeler cette notion, et je dirais même qu'il faut les encourager à en parler le moins possible. Mais on ne voit pas bien, en revanche, pourquoi la doctrine devrait s'interdire de s'y référer sous peine de quitter l'arène scientifique. Parce que la question se pose quand même, la science du droit ne s'étend-elle pas au dispositif que le droit positif déclare être le fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde, comme nous le dit la Constitution allemande. Donc, à moins de considérer, ce serait la seule hypothèse que je pourrais formuler, que l'interdit ainsi jeté sur le concept de dignité, accusé de bigoterie et d'être anti-moderne et liberticide, ça serait cet interdit qui serait le nouvel et véridique axiome qui doit ordonner la pensée juridique. Ça serait l'axiome d'un droit sans axiome, réduit à la conjonction de monades souveraines. Et certains de ses défenseurs, je vais citer ici le nom d'une des juristes les plus célèbres de France, comme Madame Marcella Yacoub, ont été adulés par les médias les plus en vue, je cite Le Monde du 28 février, pour nous avoir mis en garde contre les références à la dignité. Mais on ne peut consacrer cet axiome libérateur d'un droit sans axiome qu'en ignorant les textes qui forment la matière de la science juridique, c'est-à-dire sans quitter ce qui tient lieu justement d'arène scientifique en droit. Alors, la seconde voie possible, ça j'ai dit c'est la voie postmoderne pour liquider la dignité. La seconde voie possible est aussi dogmatique, mais elle est moins tortueuse, et c'est celle qu'emprunte Law and Economics. Elle consiste à soumettre la dignité à un calcul coût-avantage. Alors, c'est par exemple celle qui a été utilisée dans la doctrine Law and Economics pour régler le problème de l'utilisation de la torture dans le contexte de la guerre contre le terrorisme. L'interdiction de la torture est, nous l'avons vu, l'un des premiers corollaires du principe de dignité. On le retrouve à l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 3 de la Convention européenne, à l'article 5 de la Charte des droits fondamentaux. Mais aux yeux de l'analyse économique, cette interdiction doit être pesée au regard d'autres valeurs. Richard Posner a été le premier d'une longue liste de juristes américains à défendre ainsi l'idée que, je cite, « si les enjeux sont assez élevés, la torture est admissible ». Alors, comment peut-on arriver à ce résultat ? En disant « le calcul de l'utilité sociale consiste ici à mettre en balance, d'une part, la dignité du présumé terroriste, qui justifierait de ne pas le torturer, et d'autre part, le préjudice probable de ces innombrables victimes potentielles. Vous pouvez transposer à cette hypothèse, d'une certaine manière, la Hunt formula. Si le coût B de l'atteinte à la dignité du prisonnier est évalué à 100, la probabilité de survenance d'un attentat à 0,1 et le montant prévisible du dommage à 1 million, le calcul est vite fait. L'utilité sociale commande de soumettre le prisonnier à la torture et comme le héros du huis clos de Sartre, il ne vous reste plus qu'à vous enquérir où sont les pales, les grilles et les entonnoirs de cuir. Alors, les œuvres de fiction ont bien sûr accompagné ce tournant favorable à une torture proportionnée aux enjeux. Je dis en commençant ce cours que le droit participe d'un imaginaire qui nous porte tous et qu'il faut toujours faire des liens en analyse juridique avec ces autres registres. Je n'en citerai qu'un exemple, c'est l'énorme succès d'une série télévisée comme 24 heures, Chrono. Certains d'entre vous ont vu 24 heures Chrono ? Oui. Eh bien, le séduisant héros de cette série culte est un agent de renseignement américain, Jack Bauer, qui dispose à chaque épisode de 24 heures pour mettre hors d'état de nuire de dangereux terroristes. Ainsi gouverné par le tic-tac de l'horloge, et par la maximisation de l'utilité sociale, il recourt à la torture sans sadisme apparent, mais aussi sans état d'âme, et surtout avec une régularité de métronome, puisqu'il y a 67 scènes de torture en 5 saisons de la série, qui a eu un succès considérable. Et il y a, dans les départements de droit de Columbia, cette série a fait l'objet de séminaires particuliers dans les facultés de droit. Alors, cette méthode qui consiste à réduire la dignité à une valeur quantifiable, qui doit être mise en balance avec d'autres intérêts, n'est pas seulement le fait de 24 heures ou des intellectuels, ce qu'on appelle « legal scholar » aux États-Unis, ça a été une voie également empruntée par la Cour de justice de l'Union européenne. À la différence de nos postmodernes, les juges ne peuvent affirmer leur absolue liberté vis-à-vis des textes. Ils sont bien obligés de tenir compte de la valeur juridique du principe de dignité. Mais cette valeur est pesée par eux à la même aune que celle de Richard Posner. Tout dépend alors du montant des enjeux, autrement dit, tout est affaire de proportionnalité. Et je cite ici l'arrêt qui va en ce sens, il s'agit d'un arrêt dit Viking ou Viking, dans lequel la Cour de Luxembourg nous dit que la dignité doit être conciliée avec la libre concurrence, la libre circulation des marchandises et des capitaux et la libre prestation de services conformément au principe de proportionnalité. Je lis, l'exercice des droits fondamentaux en cause, à savoir respectivement les libertés d'expression et de réunion, ainsi que le respect de la dignité humaine, n'échappe pas au champ d'application des dispositions du traité. Il doit être concilié avec les exigences relatives aux droits protégés par le dit traité, il s'agissait en l'espèce des libertés économiques, et être conforme au principe de proportionnalité. Donc vous voyez que les théories de law and economics ne sont pas simplement des théories en chambre, on l'a vu pour la corporate governance, on le voit pour le principe de dignité, elles infusent véritablement, elles sont devenues l'un des paradigmes sur lesquels est aujourd'hui fondée la pratique législative et la pratique jurisprudentielle. Le recours au principe de proportionnalité permet ici clairement de ramener toute espèce de règle à un calcul d'utilité et de faire disparaître du raisonnement l'idée de règle intangible. Nous avons vu que cet adjectif était celui employé par la Constitution allemande à propos de la dignité. Or, justement, l'intangibilité étant ce qui caractérise la dignité dans cette formulation, on ne sera pas surpris que l'une des rares juridictions à résister à cette relativisation générale de toute espèce de principe soit le Bundesverfassungsgericht, le tribunal constitutionnel allemand, qui a estimé dans sa décision du 30 juin 2009, sur laquelle nous reviendrons longuement, parce que c'est une décision extrêmement importante dans l'histoire récente du droit en Europe. Il a estimé dans cette décision, je cite, que le droit à une participation libre et égale à la puissance publique est ancré dans la dignité humaine et que le principe de démocratie ne peut pas être pesé contre d'autres valeurs, il est intangible. Vous voyez, dans cette formulation, pas pesé contre, pour le juriste habitué, c'est une référence à la notion de principe de proportionnalité, de conciliation des droits. On nous dit non. Vous ne pouvez pas dire la dignité, la démocratie, ben, il en faut, mais pas trop, si ça gêne un peu, donc il en faut moins, etc. Donc nous avons affaire à des principes intangibles. Ce sont les Allemands qui sont les seuls à le dire actuellement sur la scène juridique européenne. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le juriste Alain Supiot le 4 avril 2013, Calculer l'incalculable. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion. Alain Supiot a publié sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social chez Fayard » en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres a été publié chez le même éditeur en 2015. Rappelons aussi son ouvrage « L'esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total au seuil » en 2010 et son « Que sais-je, le droit du travail au PUF ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous retrouverons Alain Supiot, il nous présentera la New Comparative Analysis et le marché du droit. Belle journée à l'écoute de France Culture.